Pour tous vos problèmes électriques, que ce soit industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel, les Électriciens du Nord, un incontournable en affaires depuis 1977. Notre équipe possède le savoir et l'expérience pour répondre à tout besoin. Les Électriciens du Nord, 1025 Première Rue à l'Ascension, au 418-347-5103 ou visitez ledn.com. Monsieur Ghislain Tremblay et tout le personnel des Électriciens du Nord invitent toute la population à la classique hivernale de Saint-Ludger-de-Milo et félicitent les organisateurs. Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin sport complet de l'édition du 9 février. On va ouvrir le bulletin sport local et régional, d'abord en parlant de la Ligue nationale de hockey. Il y avait un match qui nous intéressait hier, l'Avalanche du Colorado a perdu contre les Blues de Saint-Louis par le compte de 6-1. Samuel Girard a été blanchi dans la partie, il a terminé le match à -1 et a joué 16 minutes 38. Les Saguenay de Chicoutimi l'ont emporté par le compte de 4-3 contre les Mooseheads d'Halifax hier à Halifax. Liam Steven a marqué 2 buts, Kevin Clément 1 but et Mathieu Desgagnés a aussi marqué. Jérémy Fortin de Dolbeau-Missassini a été blanchi. À la ronde de Novice-Atome, les Patriotes de Saint-Bruno ont perdu 4-3 contre Mastouillache. C'est déroulé hier à Robertval. Toujours à Novice-B à Robertval, les Génois d'Allemagne, le Royal de Matébetchouan se sont livrés un verdict nul de 2-2. Et dans la Novice A, les Lynx de Jonquière ont défait les Aiglons d'Allemagne 5-1. Le club de golf de Saint-Prime a un nouveau directeur général. Il s'agit de Roger Perron qui succède à Gilles Larouche. Roger Perron est un gars qui a œuvré dans le domaine du golf au cours des dernières années au club de golf de Saint-Prime. En fin de semaine, se déroule la classique hivernale de Saint-Ludger-de-Milo. En entrevue ce matin sur les ondes de danadiosport.com, Chantal Arnault, qui est à la tête de la classique, a mentionné que ça fait quand même plusieurs années que la classique est démarrée. C'est la 7e édition et c'est quand même très, très bien. Ça se déroule très, très bien là-bas. Au début, ça a commencé, en fait, c'est les gens de Milo, il y en a quand même quelques-uns, là, des parents, qui que leur enfant joue au hockey en ligue, et ça a commencé sur ce Stéphane Maltais et Jean-Pierre Tremblay qui avaient initié ça il y a 7 ans, là, quand leurs jeunes jouaient dans le midget, le bam-tam, bon, quand ils ont fait toutes les séries de catégories de hockey. C'est eux qui ont initié ça, puis ça s'est parlé à la Ligue mineure, puis la Ligue mineure, bon, ben on est intéressés, puis ça a fait boule de neige. Écoute, de plus en plus, les gens sont rendus même aussitôt qu'ils entendent parler, là, que c'est sur le bord qu'on organise la classique en novembre, là, ça commence à nous appeler pour inscrire leur équipe à venir. Aussitôt qu'ils ont le calendrier, eux autres, là, ou ceux qui n'ont pas de tournoi, puis qui ont une fin de semaine de match régulier, ils veulent s'inscrire. Et donc, c'est comme ça. Et cette classique se veut de plus en plus familiale. Absolument. Écoute, ça amène juste de joueurs, environ 225 joueurs, okay, qui vont passer là, toute la journée là. Ça emmène les grands-parents, ça emmène les parents. Dans ces équipes-là, on a des jeunes de Milo qui sont encore là. Donc, ça crée une espèce d'engouement là, que les parents, il y a du monde, je te dirais, toute la journée, là, sans arrêt. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a fait une table ronde avec Bernard Barré et Éric Martel-Barzuelli pour parler du documentaire Journeyman qui passe actuellement sur les ondes de RDS. Également, je me suis entretenu aussi avec Robert William, l'instructeur-chef des Castors de Debo, où on parle évidemment des Castors. Le sport local et régional, à danradiosport.com, la référence du sport au Lac-Saint-Jean, on s'en occupe.